qui est la puissance quand on vit. Et plus que de l'offre, c'est des gens. Voilà. Ça sera le programme, et le c'est pas très simple. Mais sur le nom, on va les inscrire dans les livres d'unité. Alors, le troisième rencontre, son fils, il a pas fait avancer en 1503. Il a répondu sa première femme, sa femme de la Mauritanie. Parce que la carte du Maroc, avant, c'est plus compliqué, il avait la Mauritanie. La Mauritanie n'a jamais été indépendante jusqu'à 1962. Donc, c'est connu comme le sud du Maroc. Il y a aussi une grande partie de l'ouest de l'Algérie, le Soudan, jusqu'à la région du Sénégal, tout ça.